sur le vif. Écoutez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'es pas allé porter ma lettre à la banque? Mais je te garantis que tu ne me l'as pas demandé. Comment? Je ne te l'ai pas demandé. Tu perds la tête ou quoi? Répétez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'es pas allé porter ma lettre à la banque? Mais je te garantis que tu ne me l'as pas demandé. Comment? Je ne te l'ai pas demandé. Tu perds la tête ou quoi? Écoutez. Je suis désolé, mais je ne vois vraiment pas du tout pourquoi vous venez me parler à moi de ce problème. Ça n'a jamais été moi qui me suis occupé des relations avec la presse. Ce n'est pourtant pas moi qui vais prendre la décision de convoquer les journalistes. Ce n'est pas moi non plus. Adressez-vous au directeur administratif. C'est à lui de régler ce genre de problème. Répétez. Je suis désolé, mais je ne vois vraiment pas du tout pourquoi vous venez me parler à moi de ce problème. Ça n'a jamais été moi qui me suis occupé des relations avec la presse. Ce n'est pourtant pas moi qui vais prendre la décision de convoquer les journalistes. Ce n'est pas moi non plus. Adressez-vous au directeur administratif, c'est à lui de régler ce genre de problème.